L'agence de presse Chine Nouvelle et le réseau de l'information de Chine, l'agence de presse du Ben Prince Aratina, l'agence de presse japonaise Kyodo et l'homepage internet du Comité national d'études des étudiants du Congo démocratique ont rapporté du 28 au 29 juillet les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée données aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos des menées des États-Unis qui ont tenté, lors de la conférence ministérielle du Forum de l'ASEAN, de rejeter à la Corée socialiste la responsabilité de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne tout en mettant en cause sa dissuasion nucléaire autodéfensive.